Ahmed est parti ce matin sur son tapis vers le soleil, n'emportant qu'un sac de rêve. C'est bien assez pour voyager. Il a quitté la Médina où tous les jours étaient pareils. Sur le soleil de ses chimères, la lassitude sera brûlée. Ahmed, il sait que le voyage sera long et rempli d'obstacles. Ahmed, sur son tapis de prière, rien ne pourra le faire tomber. Ahmed s'envole, Ahmed s'envole. Il monte au ciel sans un regard, sans un remords et sans la peur, sans même une douce pensée pour celle qui aurait pu l'aimer. Ahmed, il est un peu comme ça, le genre qui laisse parler son cœur, et celle qui aurait pu l'aimer n'avait qu'à se manifester. Aujourd'hui, Ahmed, c'est son jour, et déjà dans le vent qui claque, il sait que les amours terrestres, il les aura vite oubliés. Ahmed s'envole, Ahmed s'envole. Ça fait déjà un bon moment que le tapis a décollé. Ahmed sent la douce chaleur, lui coller la chemise au corps. Ébloui certes, mais pas aveugle, il fixe l'astre tant rêvé. Sa peau peut rougir, il s'en fout, il ne regrettera pas l'essor. Accroché comme à une bouée, à son magique tapis volant, Ahmed se cramponne à son rêve, qu'il touche déjà du bout des yeux. Ahmed s'envole, Ahmed s'envole. Ahmed s'envole. Ça fait bien une éternité qu'Ahmed a quitté le pays. La Médina n'a pas changé, juste une place qui s'est vidée. Ahmed, là où tu es, c'est sûr, la place restera bien gardée. Au milieu des chimères solaires, fini le rêve, vive la vie. Ahmed, s'il te plaît, garde-moi une place au chaud, évidemment. Je monte sur mon tapis volant et pique le soleil dans les yeux. Et je m'envole, et je m'envole, et je m'envole, et je m'envole.